Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Quand l'art se met au service du pouvoir », une série d'Élise Gruau réalisée par Julie Béressy. Au départ de cette série, il y a des princes, des luttes de pouvoir et le désir d'accumuler le luxe et la beauté. Il y a ce peintre appliqué à faire le portrait de celui qui le nourrit. Il le flatte, le grandit, l'embellit. Il crée la puissance autant qu'il la proclame. Mais parfois, les arts peuvent aussi être un programme politique. Alors pour commencer, les personnages. Des mécènes, Côme de Médicis, Donatello, des tyrans, un prince, Michel-Ange en personne, les banquiers des papes et des rois sans couronne. Ensuite le décor, des fontaines, des statues équestres, des places, des blocs de marbre gigantesques, un peuple de statues, des palais et des visites guidées. Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive à Florence. Questa qui è la piazza più importante, Piazza della Signoria, il Palazzo Vecchio, Comune di Firenze, 1299. L'antica residenza di Cosimo de' Medici, il famoso a cavallo del Gian Bologna. Qua sulla destra c'è la famosa chiesa d'Orsa Michele. Il famoso granaio de' Medici, con in alto le ceramiche della Robbia e le sculture del Donatello. Les Médicis et Florence, la conquête du pouvoir par les arts. Élise Gruau, Julie Béressy. Ecco, usciamo da Palazzo Vecchio e a destra troviamo. Voilà. Nous sortons du Palazzo Vecchio et à droite se trouve l'emplacement original du David de Michel-Ange, remplacé ici par une copie datant de 1870, quand l'original a été transporté à la galerie de l'Académie. Et à gauche se trouve la sculpture Hercule et Cacus de Baccio Bandinelli. L'œuvre qui symbolise la restauration du pouvoir opérée par le duc Alexandre de Médicis à Florence. Une œuvre qui a été perçue par les républicains florentins comme une véritable gifle. La statue a été très maltraitée, très critiquée. Les gens parlaient de la musculature de cet Hercule comme d'un sac plein de melons. Antonio Pinelli, ce David de Michel-Ange, c'est un symbole universel de Florence. Qu'est-ce qu'il incarne ? Il incarne la capacité des Florentins à surpasser leurs forces et à dominer le monde. Leur capacité à être une ville forte, capable de régner sur tout un territoire, bien qu'étant une jeune république qui reste toujours vigilante et à même de se défendre contre les ennemis qui l'entourent. La ville en tant que telle veut apparaître comme un objet d'admiration par rapport aux autres cités. Les citoyens florentins sont passionnés de sculpture et très attentifs à la qualité de ce qui est mis justement dans leur espace public. Et les plus grands sculpteurs sont intervenus, les plus grands maîtres. Et Florence organise vraiment une sorte de peuple de statues. Il y en a absolument partout dans les lieux majeurs. Et il y a aussi un lieu central de la compétition artistique et du langage de propagande des statues qui va être la place de la Seigneurie avec une loggia. La Loggia dei Lanzi, mais aussi toute une série de sculptures qui s'étalent le long de la façade du Palazzo Vecchio. Et enfin, un peu plus tard, en direction du dôme, une grande fontaine et une statue équestre. Donc un programme sculpté qui n'a aucun équivalent au monde. Depuis le Moyen-Âge, Florence est une république. Elle n'a ni souverain, ni cour, mais des conseils élus, régulièrement renouvelés, qui prennent les décisions. Dans les luttes féroces que se livrent les grandes familles pour dominer, l'une d'elles parvient à s'imposer au XVe siècle, les Médicis. Dans la renaissance intellectuelle et artistique qui éclot alors, ils exercent un mécénat qui a peu d'équivalent. Comment les marchands et banquiers de cette famille deviennent-ils ces rois sans couronne pendant tout le XVe siècle, puis les princes qui feront tomber définitivement la République en 1530? Comment leur mécénat a-t-il servi leur captation progressive du pouvoir? Comment a-t-il changé, en même temps qu'évoluait, la nature même de leur domination? Dans ce jeu politique ouvert à l'influence, et par-delà les intrigues, dans cette petite ville qui concentre exceptionnellement les richesses et où les œuvres d'art illuminent chaque coin de rue, chaque façade, chaque chapelle, l'art est un terrain d'observation privilégié de la bataille pour le pouvoir. La ville est encore entourée par une imposante enceinte de remparts. Elle est divisée en quatre quartiers, comme aujourd'hui. Santa Croce, San Giovanni, Santa Maria Novella et l'Oltrarno, le quartier de Santo Spirito. Alessandro Cecchi, directeur de la Casa Buonarroti. À l'intérieur de la ville se trouvent des centres de pouvoir. Palazzo Vecchio, place de la Seigneurie, qui depuis le Moyen-Âge est le siège du gouvernement de la ville. Mais le pouvoir, en réalité, est détenu par les Médicis. Que font-ils, concrètement? Ils parviennent à truquer les élections de sorte que les représentants élus soient toujours des fidèles de leur famille. Et donc, en réalité, les décisions sont prises dans leur palais, le palais Médicis, et non dans le Palazzo Vecchio, de la place de la Seigneurie. Et ça, c'est une anomalie florentine. Les Médicis exercent une seigneurie masquée, pas comme les ducs de Milan ou de Ferrare, qui étaient les seigneurs reconnus de la ville. Officiellement, la ville est une république, gouverné par des prieurs et par le gonfalonier de justice. Les Médicis sont un palais via Larga, qui suscite l'admiration des autres qui y passent et y résident. Leur palais se trouve à deux pas de l'église qu'ils se sont fait construire, l'église de San Lorenzo, qui n'est pas seulement leur église, c'est aussi leur panthéon. La sacristie ancienne contient les tombes des 14e et 15e siècles de Giovanni di Bicci, de Pierre le Goutteux, de Côme l'Ancien, le Pater Patria. C'est un mausolée de la famille. C'est une ville qui se consacre aux échanges marchands et banquiers. C'est une puissance très riche depuis le début du XVe siècle, alors même que la peste et d'autres fléaux l'ont frappée. Le florin est la monnaie la plus importante d'Europe. Naturellement, la puissance politique et la puissance économique marchent de pair. Être allié aux Médicis signifie faire affaire avec eux, donc leur être lié doublement. Les fortunes des familles pro-Médicis sont reliées aux affaires et aux banques Médicis. C'est l'époque où la ville passe commande d'œuvres d'art fondamentales, telles que la façade du Dôme ou Orsa Michele. Tout cela est propice au travail des artistes. Florence a été ce qu'elle a été grâce à cette autonomie financière, une puissance économique unique dans le contexte européen de l'époque. Cosme devient le chef de la République florentine sans être reconnu comme un souverain. Francesco Cagliotti, historien de l'art. Alors, toute l'histoire de Florence jusqu'à 1530-32 est basée sur cette ambiguïté du pouvoir. Les Médicis sont des chefs presque absolus et ça amène au fait que quelquefois ils doivent abandonner Florence, rejetés par le citoyen, mais quand ils sont là, ils détiennent très bien les clés du pouvoir. Et cette ambiguïté, on la retrouve aussi dans la culture publique et dans le système des arts et partout dans la vie sociale. Et le coup de génie formidable de Cosme, c'est d'avoir compris très bien que ce pouvoir pouvait se dérouler d'une façon invincible en se basant sur les commandes d'architecture et des arts figuratifs. Je ne connais pas dans toute l'histoire de la civilisation occidentale un personnage et une famille qui ont dépensé ainsi dans les arts des bâtiments, les arts des objets précieux. Et pas seulement pour l'usage particulier, mais surtout pour le bénéfice de la communauté. Né en 1389, comme l'ancien est le premier des Médicis à s'illustrer par le mécénat artistique qu'il exerce sous la ville. Richissime homme politique, très cultivé, banquier des rois et des papes, il finance des fêtes publiques somptueuses, les plus beaux monuments et jusqu'à des dotations pour les filles pauvres. Il accueille chez lui les humanistes et les savants, fait rechercher les manuscrits anciens et fonde la première bibliothèque publique. Victime d'une conspiration, il doit s'exiler. Mais sa richesse est partie avec lui, il est rappelé par la ville en 1434, qu'il acclame comme le pater patriae, le père de la patrie. Il en profite pour proscrire les familles ennemies et s'est présenté comme le pacificateur de la République. On dit aussi que s'il n'opprima pas ses concitoyens par les armes, il les écrasa toutefois sous le poids de son or. Alors Cosme va bâtir dizaines de couvents, de monastères, d'églises en particulier pour les ordres des moines et des frères qui vont se réformer. Et en profitant du fait que le pape Eugène IV aime beaucoup soutenir les réformes antérieures de ces ordres, et Cosme va promettre l'argent nécessaire pour bâtir les nouvelles maisons de ses frères et moines. Et en particulier, on a la reconstruction de la basilique de Saint-Laurent. Là, on va transformer l'église paroissiale, désormais vieille, un peu délabrée, dans une formidable basilique qui puisse se disputer la primatie avec la cathédrale. Cosme profite des idées géniales de l'architecte Filippo Brunelleschi. Ils ont ouvert le chemin à l'architecture européenne moderne, pratiquement jusqu'au XIXe siècle. Et Cosme décide que la grandiosité de Brunelleschi est nécessaire pour le public, car toute la communauté va profiter de ça. Alors, la basilique, malgré que beaucoup de familles étaient là-dedans comme commanditaires, a été paillé principalement par les Médicis. Qual è la leva che usa Cosimo? Comment comme l'ancien s'y prend-il pour devenir extrêmement populaire? Là, les bâtiments publics, la beauté dans l'espace public fonctionne comme alibi. Antonio Pinelli, historien de l'art. C'est vraiment à travers les symboles que se développe cette stratégie qui consiste à laisser apparemment vivre la République tout en l'étouffant. Et de fait, par exemple, Cosme fait installer dans son palais les statues de Judith et le David en bronze de Donatello, qui sont deux symboles républicains. E li mette però nel suo palazzo. Né en 1386, Donatello s'est formé dans l'atelier des Ghiberti et sous le chantier de la prestigieuse cathédrale de Florence, lieu d'expérimentation des innovations artistiques de la Renaissance. En 1408, la ville lui commande une sculpture en marbre de David. Mais en 1434, passé sous la protection de Cosme l'Ancien qui finance sa création, il réalise un nouveau David, en bronze cette fois. Et là, le choix est génial, car la République avait déjà choisi David comme son nouvel symbole. Et le fait de partager le même symbole, les mêmes sujets, la même iconographie de la République devient pour Cosme une solution optimale pour représenter aux yeux de ses concitoyens le fait qu'il y a deux lieux à Florence où on peut voir les mêmes choses, les mêmes sujets, les mêmes images, le palais de la Seigneurie et la maison de Médicis, qui était, comme on sait des chroniques de l'époque, constamment ouvert aux piétons, au public. Et ça, évidemment, impliquait que le palais n'était pas seulement particulier, mais était un palais semi-public qui se disputait les rôles de centre du pouvoir public avec le palais vieux, avec le palais de la Seigneurie. La famille est devenue capable de gérer l'imaginaire politique de l'État. Et bon, Cosme, il arrive à convaincre Donatello à se consacrer non plus à des sujets religieux, strictement religieux comme les saints, la Vierge, mais à des sujets sacrés, évidemment, mais d'origine biblique, qui peuvent faire une allusion à la vie civile, à la vie politique. Et là, en David, Cosme et Donatello vont pratiquement rétablir l'iconographie profane, ou j'ose dire païenne, de Mercure, de Jupiter, de Mars. Mais la culture de l'époque empêchait évidemment de proposer en faisant public des sujets comme ça, car l'idolophobie du Moyen-Âge n'est pas encore complètement vaincue. Et là, on assiste à la renaissance de la statue dans le sens plus propre, plus typique de l'Antiquité. Un jeune homme, belle, nu, isolé dans l'espace, complètement agréable à 360 degrés par le public. En 30 ans de mécénat, Donatello, l'artiste préféré de Côme, est devenu son principal ami et son homme de confiance. Et quand Donatello meurt en 1466, 2 ans après que Côme l'Ancien eut succombé à la goutte, l'artiste est enterré dans la même crypte que son mécène, dans la basilique familiale de San Lorenzo. En 1469, le petit-fils de Côme, Lorenzo le Magnifique, devient à son tour le maître de Florence et poursuit la politique médicéenne par les arts. Il s'entoure des intellectuels et des plus grands artistes qui font la Renaissance, comme Botticelli et Michel-Ange. Nous sommes dans la salle des reliefs du musée de la Maison Buonarroti. Voici deux sculptures réalisées dans le jardin de San Marco par un tout jeune Michel-Ange de 15 ans qui fait preuve déjà dès ses premières œuvres de son génie et de sa grandeur comme artiste. Les Médicis ont été dès le début les protecteurs de Michel-Ange. Il y a cet épisode très beau de Michel-Ange qui travaille dans le jardin de San Marco en compagnie d'autres jeunes sculpteurs. Laurent le Magnifique avait créé ce lieu où les jeunes artistes pouvaient se mesurer avec les œuvres de Donatello, où Bertoldo, le dernier collaborateur de Donatello, était leur maître, et avec les sculptures antiques rassemblées par les Médicis. Nel giardino cosiddetto di San Marco venne a trovarsi. Dans ce qu'on a appelé le jardin de San Marco, vint se présenter Michel-Ange, qui n'allait jamais oublier cette expérience fondatrice. Anche perché, se car en effet, d'après ses biographes, Lorenzo notò Laurent le Magnifique le remarqua lui parmi tous ces jeunes gens. In qualche modo decise di adottarlo, il décida en quelque sorte de l'adopter en le faisant admettre dans son palais et en allant jusqu'à lui faire partager les lieux de vie et certains privilèges de ses propres fils, parmi lesquels se trouvait Giovanni, qui allait devenir le pape Léon X quelques décennies plus tard. Et cela explique évidemment, en plus de ses mérites artistiques exceptionnels, le succès de Michel-Ange pendant le pontificat de Léon X, puis de celui de son cousin Clément VII. VII. Quindi c'è sempre stato in Michelangelo un trattare. Ainsi, Michel-Ange a-t-il toujours traité avec les grands mécènes, les grands commanditaires de son époque, de grands personnages avec lesquels il avait un rapport d'égal à égal. Ce sont des relations qui sont parfois conflictuelles. Michel-Ange était très susceptible et très orgueilleux. Il n'acceptait pas d'être humilié par ses puissants. Il avait une haute estime de lui-même. Giustificata, devo dire, dalle opere. Rome, 2 mai 1545. J'ai reçu la corbeille de poire. Il y en avait 86. J'en ai envoyé au pape 34, qui lui ont paru belles et fort bonnes. Quant à la corbeille de fromage, la douane dit que le voiturier est un fourbe et qu'il ne l'a pas déposée en douane. Si je peux savoir où il se trouve dans Rome, je lui ferai ce qu'il mérite, non pour le fromage, mais pour apprendre à ce ladre à mieux traiter l'humanité. Dis au prêtre de ne plus m'écrire à Michelangelo sculpteur, parce que je ne suis connu que sous le nom de Michel-Ange Buonarroti. Et aussi parce que, si un citoyen florentin veut faire peindre une table d'hôtel, il faut qu'il s'adresse à un peintre. Moi, je n'ai jamais été ni peintre, ni sculpteur comme ceux qui tiennent boutique. Je m'en suis toujours défendu, par honneur pour mon père et pour mes frères. Et je n'en ai pas moins servi 3 papes, encore que contraint. Michel-Ange, comme Raphaël ou Léonard de Vinci, représente l'artiste nouveau. Il n'est plus relié à la pratique de l'atelier en boutique, aux arts manuels. Même s'il se confronte au marbre et fait donc un travail très éprouvant physiquement, il a la conscience d'être un personnage de premier plan. L'artiste est en rapport direct avec son commanditaire. Il n'est plus asservi au commanditaire. Michel-Ange sait se faire valoir. Et la preuve en est qu'il est mort très riche, bien qu'il ait vécu dans la misère. Il envoyait beaucoup d'argent à sa famille. Il possédait un coffre-fort plein de pièces d'or et d'argent à côté de son lit. Qui voulait Michel-Ange devait le payer. Il savait faire valoir son œuvre, contrairement à d'autres artistes comme Donatello, qui vivaient pour l'art sans avoir de véritable pouvoir contractuel. Après la mort de Laurent le Magnifique, les Médicis se sont plusieurs fois chassés, puis réinstallés dans la ville. En 1527, les armées de Charles Quint saccagent Rome et le pape Clément VII, qui est un Médicis, est contraint de se réfugier dans le château Saint-Ange. Dès la nouvelle connue à Florence, les citoyens s'empressent de reformer la République. Mais Charles Quint, voulant se concilier la faveur du pape, ordonne à ses armées de s'emparer de la ville et d'y rétablir un Médicis. S'ensuit un siège de 10 mois. Sur ces dessins, on peut identifier des parties des murs d'enceinte de Florence. Des murs qui étaient imposants, mais vétustes et devenus obsolètes depuis le développement de l'artillerie. Il y avait donc la nécessité de les moderniser. Michel-Ange conçoit alors de nouveaux bastions. Par exemple, dans ces deux dessins numérotés 13A et 14A, qui sont les plus célèbres de cette série. Il s'agit de bastions avec des fossés en forme d'étoiles, avec des angles de tir calculés pour les arquebuses. Les dessins portent des inscriptions manuscrites de Michel-Ange, où sa calligraphie si particulière est identifiable entre toutes. Quel rôle politique Michel-Ange a eu dans la ville de Florence ? Dunque lui a un certo momento si schiera con la Repubblica. Il se rallie à la République. Lui Il s'engage puisque le 6 avril 1529, la veille du siège qui durera 10 mois et se conclura en août 1530, Michel-Ange est nommé lieutenant-gouverneur des fortifications de la ville de Florence. Un rôle de concepteur des bastions des fortifications qui doivent servir pour défendre la patrie, Florence, contre l'assaut des Médicis et des armées impériales de Charles Quint d'Habsbourg qui menacent la ville. À ce moment, Michel-Ange devient un ennemi des Médicis ? Michel-Ange a toujours cherché à ne pas se compromettre, surtout au début, car c'était une époque dangereuse. Il cherchait à protéger ses proches déjà quand les Médicis étaient revenus d'exil en 1512. Il leur disait d'être prudents, de faire attention à ce qu'ils disaient. Mais il a fini par s'engager, parce que de 1527 à 1530, il est à Florence et il est au service de la République. En réalité, il avait déjà servi la République, parce que le David qui est installé place de la Seigneurie en 1504 est le symbole même de la République. C'est une statue colossale. C'était en soi un défi d'affronter ce bloc de marbre qui avait été en partie déjà travaillé par d'autres sculpteurs. Et ce géant est le symbole d'un nouvel idéal de beauté, un canon qui se réclame de la statuaire antique. C'est un renouveau de l'Antiquité. Et cette statue géante est aussi le symbole d'une ville prête à affronter ses ennemis, prête à défendre ses idéaux et sa liberté. Ce David de Michel-Ange est à nouveau le symbole d'un régime avec de fortes connotations patriotiques. C'est un artiste qui avait véritablement un fort sentiment républicain, même si cela ne l'empêchait pas de servir les Médicis qui ont été parmi les grands commanditaires et mécènes de sa vie. Après l'épisode du siège de Florence, est-ce qu'il sera effectivement pardonné par les Médicis ? Michel-Ange sera pardonné et réhabilité par les Médicis. Il achèvera encore des œuvres importantes pour la famille jusqu'en 1534 à l'église San Lorenzo. Mais en 1534, il a peur d'un Médicis, le duc Alessandro. Le pape Clément VII, qui avait été son grand protecteur, est mort, et c'est ainsi que Michel-Ange décide de quitter Florence pour toujours et de ne jamais y revenir. Et en effet, il est mort 30 ans plus tard, très vieux, presque à 90 ans, dans sa maison de Macello dei Corvi, à Rome, en 1564. En 1530, après la capitulation de la République, les Médicis reçoivent de l'empereur Charles Quint le titre nobiliaire qui légitime définitivement la domination qu'ils exercent depuis plus d'un siècle. Alexandre de Médicis devient le premier duc de Florence, mais il est assassiné par son cousin Lorenzino en 1537. Son cousin, comme premier, issu d'une branche cadette de la famille, lui succède comme duc puis grand-duc de Toscane. Il développe un véritable art de cour et fait du Palazzo Vecchio, l'ancien siège de la République, un palais à la gloire de son pouvoir personnel. Son fils François Ier de Médicis poursuit cette évolution, mais très impopulaire, il meurt empoisonné. Son frère Ferdinand Ier lui succède en 1587. Nous sommes à Palazzo Strozzi, dans l'exposition Il Cinquecento à Firenze. Ça veut dire une image de la peinture, de la sculpture du siècle, une espèce de romanzo, de changement de la peinture, de la sculpture de tous les siècles, autour de Médicis évidemment, mais autour du pensée plus important, entre art, pouvoir, expression des artistes qui ont fait grand les siècles, le 16e à Florence. Carlo Falciani, commissaire de l'exposition le Cinquecento à Florence. L'art, pendant le XVIe, était vraiment le lieu plus important d'expression, donc aussi l'expression du pouvoir. Et les Médicis ont utilisé de manière très forte, très structurée les arts pour arriver là-bas où ils ne sont pas arrivés avec les armes. L'influence des Médicis sur l'Italie est beaucoup plus forte avec les arts qu'avec les soldats. Par exemple, les portraits d'État étaient utilisés, très répandus comme cadeaux diplomatiques, politiques. Il y a par exemple trois différents portraits en armure de Alessandro de' Medici, qui prend le pouvoir après le siège de Florence, 1530. Après, il y a un portrait en armure de Cosimo de' Medici et nous sommes en face du portrait de Francesco I, son fils, en armure aussi, mais sont trois différentes utilisations du même exemple de portrait en armure, ça veut dire du souverain comme soldat, mais qui parle de choses complètement différentes. Le portrait d'Alessandro de' Medici en armure, c'est vraiment l'expression de son état de tyran. Ça veut dire qu'il avait pris le pouvoir après le siège de Florence, où la ville était détruite par les morts, presque moitié du peuple. Et son portrait montre Alessandro hors de la ville, assis sur un sgabello, un tabouret. Il regarde la ville de loin, mais il est en armure. Il a des symboles de pouvoir, ça veut dire le casque de l'armure flamboyant. Et il est assis sur le tabouret avec un drap rouge qui est symbole du sang du citoyen mort dans le siège. Donc il est assis sur le sang de la ville. Donc c'est un signe très dur de son pouvoir. Cosimo, en revanche, il montre sa force en armure parce qu'il avait pris le pouvoir en façon un peu différente, dans une bataille contre la République, mais il se montre en armure avec les lauriers coupés, qui sont un symbole de famille, avec de nouvelles branches. Donc, il est en dialogue avec l'histoire de la famille, il montre son pouvoir armé, mais en dialogue avec l'histoire de la famille, l'histoire de la ville. Donc, c'est deux façons d'utiliser l'armure complètement différentes. Francesco I, il est supporté en armure, c'est pas une armure de bataille, c'est une armure de sfilata, une armure de triomphe. Donc, il est face à un rideau. C'est une espèce de représentation du prince qui se souvient, ça veut dire, de la bataille. C'est pas lui-même en bataille. Donc, c'est une façon complètement différente de parler avec l'histoire. Le prince doit paraître clément, fidèle, humain, religieux, sincère. Il doit prendre grand soin de ne pas laisser échapper une seule parole qui ne respire les cinq qualités que je viens de nommer. En sorte qu'à le voir et à l'entendre, on le croit tout plein de douceur, de sincérité, d'humanité, d'honneur et principalement de religion, qui est encore ce dont il importe le plus d'avoir l'apparence. Car les hommes, en général, jugent plus par leurs yeux que par leurs mains. Tout le monde voit ce que vous paraissez. Peu connaissent à fond ce que vous êtes. Et ce petit nombre n'osera point s'élever contre l'opinion de la majorité, soutenue encore par la majesté du pouvoir souverain. Dans les actions des hommes, et surtout des princes, ce que l'on considère, c'est le résultat. Que le prince songe donc uniquement à conserver sa vie et son état. S'il y réussit, tous les moyens qu'il aura pris seront jugés honorables et loués par tout le monde. Le prince, Machiavel. Machiavel, Florentin, éminent, qui participe à la vie politique de Florence. Hein, il va progressivement réfléchir à la place que peut jouer le prince également dans la vie politique italienne de l'époque. Jérémy Koering, historien de l'art. Ce prince-là qui acquiert un pouvoir, comment peut-il le conserver? Et pour le conserver, il vaut mieux savoir apparaître qu'être, c'est-à-dire instrumentaliser le visible. Et Machiavel écrit son livre, son Prince, à destination donc de ceux qui gouvernent, et plus particulièrement de ceux qui ont récemment acquis un gouvernement, puisque se pose avec beaucoup plus d'urgence la question du maintien du pouvoir pour celui qui est récemment arrivé. Son livre se présente comme une série de conseils, de recettes très pragmatiques, parfois cyniques, lui permettant de bien gouverner, mais surtout de se montrer comme étant un bon gouvernement, un bon prince. Ce qui change fondamentalement avec Machiavel, c'est que ses vertus, il n'est pas nécessaire de les avoir, il est nécessaire de paraître les avoir. Et il estime que le prince doit surtout se soucier de montrer qu'il est attentif à ce que le peuple attend, et aussi soucieux de maintenir la paix avec les autres princes. Et il emploie une expression qui est tout à fait intéressante parce qu'elle permet de faire le lien avec l'art. C'est qu'il dit qu'il est nécessaire de colorer cet être. C'est-à-dire qu'il fait, il recourt à un registre qui est finalement relativement absent de la littérature politique qui précède, les miroirs des princes, cette idée que la cosmétique, en quelque sorte, et si on entend par là tous ces arts permettant de transformer la réalité par des ajouts de couleurs, par le phare, et si on étend cet art de savoir colorer cette cosmétique à la peinture, par exemple, eh bien, on peut considérer que le portrait peint, le portrait sculpté, les grands décors, eh bien, vont participer à la production d'une image qui sera utile. Donc, l'image appelée de ses vœux par Machiavel va en quelque sorte produire à la place de quelque chose qui n'existe pas un être parfait, qui semble donc à même de gouverner. Et le rôle de la peinture, finalement, enfin je dis la peinture, mais ça pourrait être aussi la sculpture, des arts en général, est de construire quelque chose qui va remplacer, véritablement remplacer, une absence. Donc c'est une gestion de l'opinion, d'une certaine manière. Machiavel en fait véritablement le pivot de la gestion politique, conserver le pouvoir. Donner le sentiment qu'on est le prince idéal. Et donc il n'y aura aucune raison, finalement, de s'en débarrasser. Nous sommes entrés dans cette immense salle, une salle absolument monumentale dans ses dimensions, où se réunissait l'Assemblée des 500, représentatif de la République de Florence, dont les murs sont couverts d'immenses décors racontant des batailles avec une foule de soldats, des chevaux, l'histoire de Florence qui se déploie autour de nous. Comment l'art intervient dans le changement de fonction politique du Salon des 500 du Palais Vieux, Antonio Pinelli? Cet extraordinaire salon a été transformé par le peintre Vasari à la demande de Cosmo I, devenu grand-duc de Toscane. Et nous vediamo in alto un grandissimo. Nous voyons au plafond ce qu'on appelle une scène à la vénitienne. C'est-à-dire un plafond avec des caissons de bois subdivisés en 42 scènes. Avec un programme idéologique et fortement politique. Qui a été décidé entre Vasari, Comme premier, Cosimo, et Vincenzo Borghini, principalement, qui était un érudit et qui était aussi le directeur de l'Académie de dessin fondée par Comme et Vasari. Logotenente dell'Accademia del disegno fondata da Cosimo e da Vasari. Ma quello che volevo dirvi è per darvi un'idea. Ecco, noi abbiamo qui da una parte, per esempio, gli affreschi. Ici, nous avons les fresques qui représentent la conquête de Sienne à l'est. La presa di Siena orientali. Et à l'ouest, la conquête de Pise. C'est justement en 1554-55, après la conquête de Pise, que Cosmo I décide de réaliser ce grand salon. Il confie à Vasari la transformation du palais tout entier. Ce qui est important, c'est de comprendre le projet de Cosmo I avec les décors du salon. Il se plaint du premier projet en disant « Il n'y a pas assez de place pour montrer l'ampleur de l'extension territoriale que j'ai accomplie. » Et vuole dire, per esempio, comme dit par exemple, il a fallu 13 ans à mes prédécesseurs pour vaincre et acquérir définitivement Pise. Moi, j'ai mis 13 jours pour prendre Sienne. Et je veux que cela se voie. Ensuite, je voudrais une œuvre pour montrer que je suis le souverain absolu et que Florence est la capitale dont dépendent toutes les autres villes du Grand-Duché. Et c'est cette fresque que nous voyons là. Puis, à propos d'une image de la conquête de Sienne, c'est celle-ci, il dit « della conquista di Siena. Vous m'avez représenté entouré d'un grand nombre de personnes, alors qu'en réalité, j'étais seul à formuler le projet de la conquête de Sienne. Donc, vous pouvez représenter le silence, l'allégorie du silence. Et Vasari l'a fait, et il a ajouté aussi l'allégorie de la vigilance, de la force, tout en précisant que c'est Combes qui lui a demandé d'insister sur le fait qu'il était le seul cerveau de la conquête de Sienne. Et la conclusion finale est en quella chiave. Et en guise de conclusion, on voit Combes premier dans la clé de voûte qui regarde d'en haut comme une sorte de Jupiter, nous qui le regardons d'en dessous. Il est entouré par une allégorie de Florence avec une couronne de chêne comme l'empereur Auguste, et entouré par les allégories de toutes les villes du Grand-Duché. Voilà, c'est la scène qui représente l'absolutisme médicéen de Combes Ier, qui souligne la grande extension territoriale accomplie pendant son règne. Pour Combes, premier de Médicis, le premier duc, le manque de légitimité se pose de manière tout à fait différente, puisqu'il prend le pouvoir, et il y a une certaine violence, bien évidemment, dans cette prise de pouvoir. Il lui faut donc montrer pour quelle raison il est le prince providentiel. Il lui faut donc convoquer d'autres ressources, et l'art apparaît véritablement comme un point fondamental pour légitimer son pouvoir, c'est-à-dire l'art au service de la grandeur de Florence. Et donc ces grands décors ont clairement une fonction politique, représenter soit le prince sous les traits d'un héros ou d'une divinité mythologique, agissant et montrant par là qu'il détient un certain nombre de vertus. Par exemple, Hercule va être une figure importante pour le prince parce que il montre au travers de ses travaux une constance, de la force. Donc tout cela permet de montrer par délégation, en quelque sorte, que le prince épouse le même idéal de vie. Le but visé est de montrer qu'on est capable, en quelque sorte, et que l'autorité du prince n'est pas discutable, puisque elle repose sur des aptitudes, des actions semblables aux grands hommes, aux héros, voire aux divinités. Et la salle des 500 est une démonstration du pouvoir militaire de Combes. Et là, ce sont bien des événements spécifiques qui sont représentés. Mais ces représentations, elles sont toujours repensées, retravaillées de manière à présenter le prince comme ayant eu, dans cette histoire-là, une place éminente. Et là, ce n'est pas toujours en accord avec l'histoire. Giorgio Vasari a vécu de 1511 à 1574. À la fois architecte, urbaniste, peintre, scénographe, organisateur, écrivain, ses réalisations actent le changement des statuts des artistes. Son livre « Les vies de meilleurs peintres, sculpteurs, architectes » est la première histoire de l'art. Les artistes de Giotto à Michel-Ange ont désormais un nom, une vie qui mérite d'être racontée. Leur œuvre participe à la grande histoire. Figure de l'artiste devenu gentilhomme qui s'habille de velours, il termine sa vie dans un véritable palais de peintre à Florence. La fiducia di Cosimo in Vasari è molto forte, ma la confiance de Combes en Vasari est entière, et le dévouement de Vasari à Combes est total. Anche poi ripagata, per esempio, con l'Accademia del Disegno. En retour, Vasari obtient la création de l'Académie de l'art du dessin, qui est la grande conquête des artistes florentins, marquant leur sortie pour la première fois des arts mécaniques et des arts manuels. Un artiste non deve avere soltanto capacità mimetiche. Vasari, l'artiste ne doit pas avoir simplement des talents à reproduire, à insuffler la vraisemblance par le relief, anche molto importanti sono gli elementi, mais aussi la capacité à véhiculer des concepts et la capacité à travers les gestes et les postures des personnages, à transmettre les sentiments et les passions. Et tout cela assimile la peinture à la poésie, à la littérature. L'Académie, c'est ça. Et c'est ce que peu de gens savent, c'est qu'on n'y apprenait pas à peindre. Les artistes continuent à se former à la technique en atelier avec un maître. Mais à l'Académie, on allait écouter des leçons sur la perspective, l'anatomie, la draperie, l'histoire antique, l'histoire romaine, parce que c'était le bagage nécessaire et la valeur ajoutée qui permettait à l'artiste de devenir un peintre ou un sculpteur d'histoire. Un pittore o uno scultore di storia, quelli che mettono in figura o storie sacre, c'est-à-dire ceux qui peuvent représenter des histoires sacrées tirées des évangiles et de la Bible, des épisodes de l'histoire grecque ou romaine, ou encore des événements de l'histoire contemporaine. Le storie che trattano di eventi contemporanei. La cosa interessante è che ce qui est intéressant, c'est que l'Académie est un levier important dont Combe se sert pour obtenir tous les peintres nécessaires au grand décor d'apparat qu'il fait réaliser pour la ville, ou pour les événements tels que des mariages, baptêmes, fêtes, ou funérailles des Médicis ou de Charles Quint. Tous les artistes de l'Académie sont mobilisés, Vasari en tête, avec tous ses collègues et leurs disciples. Cela donne la dimension de Combe Ier qui, avec l'art, fonde une sorte d'industrie d'État, qui l'enrichit encore avec la manufacture des tapisseries, puis avec l'office des pierres dures, qui produit la prestigieuse marqueterie de pierres typiquement florentine. Le projet est d'affirmer Florence au même plan que les grandes cours européennes. Par exemple, à travers des artistes comme Giambologna, Cellini, Vasari lui-même, on produit des cadeaux diplomatiques. Par exemple, on envoie des crucifix aux grands souverains catholiques pendant la contre-réforme. Et à travers ces cadeaux diplomatiques, on exporte la marque du Made in Florence. Ils veulent absolument lancer un goût, défendre une ligne qui ferait d'eux la référence qu'on peut aimer, ne pas aimer, mais en tout cas en fonction de laquelle on est obligé de se mesurer. Philippe Sénéchal, historien de l'art. Et ils y sont parvenus. C'est ce qui fait qu'ensuite, non plus seulement dans ce milieu républicain, mais même au sein de cours importantes, on a fait appel à des artistes florentins. Une des raisons du succès de la Renaissance, c'est que ailleurs, on a dit, mais c'est à Florence que ça se passe. Quand les Médicis arrivent vraiment à dominer la ville, vraiment, en devenant souverain, en devenant duc, puis grand-duc, après 1530, ils vont faire de l'art un instrument de domination symbolique au niveau national et international. Ferdinand Ier utilise comme domination symbolique la sculpture équestre en bronze, parce qu'on savait que c'était le signe impérial par excellence depuis l'Antiquité. Donc c'était une sorte de mythe, là, oser la statue équestre. Et donc Ferdinand Ier en est bien conscient, et il ose une chose incroyable qui est d'installer devant le palais de la seigneurie, donc qui pendant justement des siècles avait été le siège d'un pouvoir civil, civil républicain, on va dire, le portrait en bronze de Combe Ier, qui est la première statue équestre d'un souverain installée sur une place publique. Et l'idée d'installer donc la statue équestre du souverain sur la place publique, c'est quelque chose qui va durer dans toutes les monarchies européennes jusqu'à, la Révolution française, qui commencera à en déboulonner un certain nombre et à en faire fondre. Mais c'est de là qu'est née cette association capitale de la statue et de la place. C'est vraiment un acte extraordinairement violent, une manière définitive de montrer le pouvoir personnel d'une dynastie. Ce n'est pas une allégorie du pouvoir, c'est une personne, et cette personne, c'est un Médicis. Mais l'opération suivante, encore plus incroyable, c'est quand Ferdinand Ier se fait ériger une statue équestre de son vivant. Ce n'est même plus un hommage à un défunt de la famille illustre, un fondateur de la dynastie régnante, mais sur la place de la Santissima Annunziata, il y a une autre statue de Gian Bologna. Donc l'idée du souverain qui, de son vivant, se fait représenter, montrant son pouvoir sur ses citoyens, eh bien c'est né là. Et comment a réagi le peuple de Florence ? Oh ben à cette date-là, les carottes étaient cuites. Hein. Il n'y a pas eu de manifestation d'hostilité. Non, là, à ce moment-là, il y a plutôt eu une fierté devant le coup de maître hein, artistique, parce que ce sont des réussites exceptionnelles. Et au bout d'un certain temps, on oublie malgré tout d'où vient le crime, et ils ont admiré. Le monde entier a très très vite réagi. Tout de suite après, Marie de Médicis et Henri IV. Marie veut faire la statue de son mari, Philippe III en Espagne également. Donc cette mode du souverain à cheval est très très vite comprise au moment de la naissance de l'absolutisme. Et les autres monarques n'ont pas d'autre solution que de faire appel à Florence pour arriver à ses fins symboliques. Sous les arcades qui mènent aux offices, se dressent dans des niches, comme dans un musée à ciel ouvert, les statues en hommage aux grands hommes de Florence et de la Toscane. Cosimo Pater Patriae, Lorenzo il Magnifico, Dante Alighieri, Giotto, Donatello, Leon Battista Alberti, Benvenuto Cellini, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Francesco Petrarca, Niccolò Machiavelli. Ecco, siamo nel corridoio degli uffici. Nous sommes dans ce que l'on appelle le couloir des offices. Vasari a eu l'idée géniale de faire une sorte de longue vue perspective avec ce couloir extérieur. Qui vediamo. D'un côté, nous voyons comme dans un cadre le Palazzo Vecchio et en fond la coupole de Sainte-Marie des Fleurs. Et si nous nous tournons à 180 degrés, nous voyons une grande arche qui montre le fleuve l'Arno. Et autour de nous, nous avons les offices, une série de salles sur trois étages identiques. Qui ont été conçus pour installer les bureaux de l'administration du Grand-Duché. Puis François Ier de Médicis, l'héritier du Grand-Duc comme premier, décide d'y installer les plus belles œuvres de la collection des Médicis. Des Andrea del Sarto, des Raphaël, etc. Et de les exposer. Nasce il primo museo pubblico in qualche modo. C'est le premier musée du monde qui apparaît. Più o meno in parallelo con quello en che parallèle peut-être avec ce qui se passe à Rome avec les musées du Vatican. Questo primo museo pubblico però, diciamo, ce premier musée public était visitable sur demande. Su richiesta, insomma. Ce n'était pas exactement comme aujourd'hui. Come adesso. Quatre siècles de domination des Médicis sur Florence s'achèvent avec la mort de Jean Gaston en 1737. Le dernier acte est posé avec le pacte des familles qui lègue à l'État toscan les immenses collections rassemblées depuis le XIVe siècle par la famille. À condition qu'elles restent à Florence et soient accessibles à tous, pressentant sans doute que le trésor artistique des Médicis continuerait d'être le plus puissant attrait pour des foules d'admirateurs des siècles futurs et de toutes les parties du monde. Sur la testa della Medusa c'è il Perseo del Benvenuto Cellini originale e il ratto della Sabina del Gian. C'était les Médicis et Florence, la conquête du pouvoir par les arts. Avec Francesco Cagliotti, historien de l'art moderne à l'Université de Naples. Alessandro Cecchi, directeur de la Casa Buonarroti à Florence. Carlo Falciani, professeur d'histoire de l'art à l'Académie des Beaux-Arts de Florence. Jérémy Koering, chercheur au CNRS. Antonio Pinelli, professeur émérite d'histoire de l'art de l'Université de Florence. Philippe Sénéchal, professeur d'histoire moderne de l'Université de Picardie. Merci à Cécile Holberg, directrice de la Galerie de l'Académie à Florence, et à François-René Martin, professeur d'histoire de l'art aux Beaux-Arts de Paris. Avec les voix de Giovanna Dettore, Sylvain Clément, Phil Bouvard et Julien Gaillard. Prise de son, Jean-André Giannichini. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Julie Béressy. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter avec vue sur l'Arnaud, c'est sur les pages de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et demain, en raison d'un mouvement social, France Culture organise une journée spéciale et LSD vous propose de réécouter un documentaire consacré à la grève de mai 68 à l'ORTF. Mais pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, une vie, une œuvre, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.